Exercice 9, page 152. A. Tu vas pêcher parfois ? Transformer. Non, je ne vais jamais pêcher. B. Tu vas marcher parfois ? Transformer. Non, je ne vais jamais marcher. C. Tu vas chasser parfois ? Transformer. Non, je ne vais jamais chasser. D. Tu vas jouer parfois ? Transformer. Non, je ne vais jamais jouer. E. Tu vas nager parfois ? Transformer. Non, je ne vais jamais nager. F. Tu vas l'encourager parfois ? Transformer. Non, je ne vais jamais l'encourager.